Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand aujourd'hui, nous avons rendez-vous au cœur de la vie de Mozart. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est la parution d'un livre passionnant, bourré d'anecdotes, qui m'a donné envie de vous parler de Mozart. Dans Mozart pour les nuls, Thierry Geffrotin met l'accent sur ce qu'il y a de plus savoureux, de plus drôle, de plus vivant dans la vie du compositeur, de plus tragique aussi parfois. Il nous donne des clés pour entrer de plein pied dans les œuvres. Vous savez, vous avez l'impression d'un seul coup de tout comprendre. C'est un peu la marque de fabrique de cette collection pour les nuls. Mais c'est particulièrement vrai dans cet opus. Et puis un auditeur a une question pour vous, cher Franck. Il s'appelle Igor et vous demande l'origine de l'expression « don acte ». Ah oui, « don acte ». C'est vrai qu'on dit ça constamment. On emploie très souvent l'expression sans toujours en connaître le sens. « Don acte », ça veut dire « j'en prends bonne note » en quelque sorte, ainsi soit-il. Eh bien, vous verrez que contrairement à ce qu'on pense parfois, ça n'a par exemple rien à voir avec le latin. La réponse à la fin de l'émission. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je me rappelle avoir étudié, j'étais au collège à l'époque, en cours d'allemand, une scénette qui mettait en scène la première prestation du petit Mozart à la cour de Vienne. Il grimpait sur les genoux de l'impératrice et lui claquait une bise sonore au grand émoi de son père, le sévère Léopold, que la souveraine Marie-Thérèse interrompait avec bonhomie. « Lassen Sie nur, lieber Mozart, ich habe die kleine Kinder so gern. »« Laissez, laissez, cher Mozart, j'aime tant les enfants. » Ça fait partie de la mythologie mozartienne, cette scène. Comme le baiser de la jeune Marie-Antoinette, comme le baiser refusé par Madame de Pompadour, ou le test imposé à Londres par Barrington, nous avons tous entendu toutes sortes d'anecdotes frappantes à propos de ce petit singe savant tellement extraordinaire, de ce petit prodige qui, se produisant au sein des cours les plus blasés, a su couper le souffle à toute l'Europe des Lumières. Eh bien, cette grande tournée de l'Europe, nous allons la revivre, si vous le voulez, ensemble cet après-midi. Ça va être en quelque sorte une mise en jambe pour notre évocation de Mozart avec Thierry Geffrotin. Alors, forcément, l'idée était de Léopold Mozart, elle était du père. Je vous resitue rapidement le personnage. J'ai dit qu'il était sévère. Oui, il est même austère, Léopold. Mais c'est un homme de grande qualité qu'on a eu tendance à beaucoup salir par la suite. C'était un véritable pédagogue, incontestablement. Il était Kapellmeister à la cour du prince-archevêque de Salzbourg. Il est aussi, disons-le, en quelque sorte prof de musique. Il a d'ailleurs publié une méthode extrêmement efficace. Mais malgré tout ça, il n'a jamais réussi à s'imposer. Il n'a jamais vraiment brillé lui-même. Il ne faut pas oublier ce que pouvait être un musicien dans cette Europe des princes de l'époque. C'était un simple fournisseur, c'était un serviteur parmi d'autres. Il portait livrée, comme on disait. Donc c'était pas quelqu'un de... Il n'y avait pas, bien entendu, cette espèce d'aura qui aujourd'hui entoure les virtuoses, que ce soit des interprètes ou plus encore des compositeurs. À l'époque, Léopold Mozart bute un peu sur toutes sortes de contraintes et il va finalement, comme pas mal de parents avant et après lui, il va se réaliser à travers ses enfants. Il présente d'abord sa fille, Anna Maria, qu'on appelle Maria Anna, pardon, qu'on appelle Nannerl dans la famille, qui est une virtuose au clavecin, assez remarquable. Elle est capable de jouer de toutes les façons, et même des partitions à l'envers, et même avec les yeux bandés. Enfin, voilà, un petit côté quand même un peu, elle déjà, singe savant. Mais alors, à côté de son frère, elle n'est pas grand-chose, parce que alors lui est tout simplement invraisemblable. Au clavecin, certes, au piano, à l'orgue, au violon, c'est une sorte de prodige assez extraordinaire. Et on peut dire que le petit éclipse la grande, en fait. C'est comme ça que vont se passer les choses, même si on les présente tous les deux. À 3 ans, on est en 1759, Nannerl a donc appris le clavecin, elle a 7 ans à l'époque, et le petit... écoute, vous savez comment ça se passe, il se colle sous l'instrument, il écoute chaque note. Et à 5 ans, Wolfgang est plus avancé que sa sœur. Il a terminé le cahier de morceaux que lui avait préparé Léopold. Il pratique le violon, le clavecin, tout ça sans aucun mal. Voici ce qu'en 1793, après la mort de son frère, écrira la sœur de Mozart. Elle dira « Le jeune Mozart était un maître accompli dès qu'il se mettait au piano. » Dans la musique la plus compliquée, il remarquait la plus petite dissonance et disait tout de suite quel instrument avait fait la faute et même quelle note il aurait dû faire. Pendant une exécution musicale, il s'irritait au plus petit bruit. Bref, tant que durait la musique, il était tout musique. Et dès qu'elle avait cessé, on revoyait l'enfant. Jamais il ne fallut le contraindre pour composer ou pour jouer. Au contraire, il fallait toujours l'en distraire. Autrement, il serait resté jour et nuit assis au piano ou à composer. Étant enfant, il avait le désir d'apprendre tout ce qu'il voyait. Il montrait beaucoup de dispositions pour le dessin et le calcul, mais il était trop absorbé par la musique pour pouvoir manifester ses talents en toute autre branche. Wolfgang était petit, maigre, pâle de teint et tout à fait exempt de prétentions dans la physionomie et le corps. Hormis en musique, il fut et demeura presque toujours un enfant, et cela est le trait principal de son caractère du côté de l'ombre. Il aurait toujours eu besoin d'un père, d'une mère ou d'un mentor, il était incapable de compter avec l'argent. Ah, on sent peut-être dans ce jugement tardif de la grande sœur, pour ce petit frère tellement doué, tellement béni des dieux, on sent peut-être un peu d'ironie et sans doute une pointe de frustration, voire peut-être un peu d'envie, et ce serait naturel. Retour dans l'enfance de ces virtuoses. En 1762, Léopold se dit que, quitte à bénéficier, puisque les dieux lui ont fait, enfin Dieu, hein, je dis les dieux, mais pour Léopold, c'est vraiment Dieu, lui a fait cadeau d'enfants aussi extraordinaires, autant les montrer, autant en faire quelque chose. Alors il va les faire connaître, d'abord auprès de la cour de Bavière. Il va essayer de trouver les bons morceaux, hein, pour mettre en avant la justesse d'oreille, la mémoire prodigieuse, la créativité invraisemblable, la faculté de concentration, notamment du petit garçon. Johann Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart réagit aux leçons de sa grande sœur avec une espèce de don inné et il a parfaitement intégré toutes les leçons de son père, bien entendu. Pour Jean-Claude Terrassier, qui est fondateur de l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces, les petits génies, si j'ose dire, il serait peut-être pas content que je dise ça du reste, voilà ce que dit Jean-Claude Terrassier, ce sont des enfants qui, tout petits, entendent de la musique là où les autres n'entendent que du bruit. Alors, ça ne veut pas dire que le petit Wolfgang est un prodige en tout. Il est un prodige dans le monde de la musique. Ce sont, dit Monique Binda, qui est l'un des membres fondateurs et présidente de l'Association nationale, de cette association pour les enfants intellectuellement précoces, ce sont des enfants qui décoiffent. Très petits, ils s'interrogent sur le sens de la vie, ils comprennent des choses qu'ils ne sont pas capables de digérer, ils sont parfois angoissés par des pensées qui ne sont pas de leur âge, ce sont des hypersensibles, ils ont un niveau de conscience plus élevé que la moyenne et qui les fait souffrir. Je ne sais pas si le petit Mozart souffrait, une chose est sûre, c'est que dès qu'on lui donnait une partition ou un instrument de musique, il s'éclatait, si vous me passez l'expression. Voilà ce qu'il compose lorsqu'il a l'âge de 8 ans seulement. De la première symphonie de Mozart. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans quelques minutes, la suite de votre récit, Franck, sur la tournée en Europe de Mozart enfant sur Europe 1. Oui, et Franck Ferrand qui suit le petit Mozart sur les routes d'Europe aujourd'hui. Et oui, alors il commence par la Bavière, hein, il s'en va pas très loin hein, puisqu'ils viennent de Salzbourg, on fait quelques lieues vers le nord. Alors il faut imaginer ce que peut être la Bavière de l'époque, hein, évidemment, c'est un côté très pittoresque, hein, zootupiche, hein, c'est très il y a un fort folklore. Et puis alors c'est un endroit où l'on aime les spectacles de marionnettes, les collections d'automates et tout ça. Vous voyez un peu l'ambiance. Alors le petit Mozart là-dedans, il a l'air d'une marionnette ou d'un automate parmi d'autres, si je puis dire. On fête ses 6 ans à la cour de Bavière. Et alors là, il compose une œuvre, le Menuet, qui est connu sous le nom Menuet KV2 ou K2. Pourquoi K, c'est que Cochel, hein. Alors on va voir ce que ça veut dire, ça, tout à l'heure, avec Thierry Geffrotin, mais ça fait partie des nombreuses clés qu'il nous livre dans son ouvrage. Alors, dans un premier temps, Léopold organise des après-midi musicales, quand même devant un public très choisi, devant la haute noblesse, et puis bientôt devant le prince électeur lui-même. Tout le monde est enchanté par ce petit garçon et par cette petite fille aussi, tout à fait brillant. Chaque jour, les enfants répètent sur leur instrument, ils se promènent, ils travaillent les matières courantes. Léopold se charge de leur enseignement, et puis bien sûr, en fin de soirée, on se présente, on se donne en public, si je puis dire. Wolfgang aime particulièrement tout ce qui relève des mathématiques, vous savez, de la combinatoire, en quelque sorte. Ça aussi, on va y revenir dans un instant. Alors, voilà ce que nous raconte par exemple Léopold, parce que pendant tout le long de ses séjours, il écrit à un ami qui s'appelle Agenor, qui est un épicier et qui est le propriétaire de leur appartement à Salzbourg, et il nous dit que le petit Mozart est entré dans l'église, qu'il a joué de l'orgue. Il se déchaîna, écrit son père, se déchaîna à l'orgue d'une façon si merveilleuse que les religieux qui étaient à table avec quelques hôtes laissèrent leur repas, tout comme leurs invités, se précipitèrent dans le chœur et faillirent mourir d'étonnement. Il est très fier, Léopold. Je me rappelle un feuilleton qui avait été fait pour la télévision où on voyait constamment Michel Bouquet qui jouait le rôle de Léopold Mozart et qui arrivait derrière, qui disait « C'est mon fils, c'est mon fils ». Mais je pense qu'il y a vraiment de ça, évidemment. Il est très frappé par lui-même, par l'incroyable don de ses propres enfants. Alors les Mozart reçoivent un jour une invitation à venir jouer au château de plaisance de la famille impériale d'Autriche, cette fois à Schönbrunn. Audience repoussée d'un jour, alors vous imaginez là, on fait des répétitions incroyables et puis le jour venu, enfin, un carrosse vient les chercher, c'est le 13 octobre, ça ne s'invente pas, 1762. Ils sont présentés donc à l'empereur François Ier et à l'impératrice Marie-Thérèse. Nous avons été accueillis par leur majesté avec une bienveillance si extraordinaire, ordinaire, que si j'en parlais, on penserait que j'affabule, écrit Léopold, toujours à son copain Agenauer. Wolfgang séduit l'impératrice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il lui monte sur les genoux, il lui met un bras autour du cou, enfin c'est un petit enfant tout simplement, il est à la fois comme un très grand virtuose adulte lorsqu'il est au clavier, et puis après il redevient, comme le disait sa sœur, il redevient l'enfant tout simplement. Elle est tout à fait ravie. Alors il y a une deuxième audience qui a lieu au château de Schönbrunn le 21 octobre de la même année. Les enfants sont habillés de lilas, le petit a son épée au côté, et là, vous savez, pour un petit de marché avec tout ce costume de cour, cette épée et tout, bah il tombe sur les parquets peut-être un peu trop cirés, et donc il tombe, et l'on dit que c'est une des petites archiduchesses, une des filles de Marie-Thérèse qui vole à son secours. On l'appelle Antonio ou Antonia à la cour d'Autriche, c'est la future reine de France Marie-Antoinette. Alors, aussitôt, le petit se relève et demande la main de l'archiduchesse à l'impératrice, et lui dit « Votre fille a été bonne, c'est celle celle-ci que j'épouserai quand je serai grand. Peut-être eut-il mieux valu du reste pour Marie-Antoinette qu'elle épousa Mozart, après tout. Donc les Mozart, à partir du moment où ils ont fait leur preuve devant la famille impériale, vous imaginez, deviennent la coqueluche de Vienne, c'est le cas de le dire. L'ambassadeur de France notamment les invite, il donne pour eux une soirée et il leur propose de venir à Versailles. Alors ça ouvre des horizons incroyables pour Léopold qui se dit, mais alors on pourrait peut-être organiser, qui sait, une tournée européenne. Voici ce qu'écrit Thierry Geffrotin dans Mozart pour les nuls. Une fois, les Mozart se font même rémunérer pour se rendre à une soirée musicale organisée par un noble en vue, et au cours de laquelle doivent se produire les plus grands virtuoses présents à Vienne. Pour l'occasion, Léopold va toucher 4 ducats. Mozart est aussi remercié par un poème spécialement écrit pour lui. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les cachets que touche Léopold à l'occasion de ses représentations sont phénoménaux. On parle de 100 florins, on parle de 100 ducats, c'est-à-dire des cachets qui représentent la moitié de ce que le père touchait par an pour être Kapellmeister à Salzbourg. Ses enfants sont devenus de véritables petites stars. Il y a un côté engouement des foules sur leur passage et ils sont prêts, ils sont mûrs pour aller parcourir toutes les grandes cours d'Europe désormais. Ça va être pour eux le moment d'éclater complètement. Mozart sur Europe 1, un nouvel extrait de sa première symphonie. Eh oui, la symphonie Cochelle 1, ça s'invente pas. Exactement. Et on retrouve la famille Mozart qui fait le tour des grandes capitales, justement. Eh oui, alors parce que ça, c'est la deuxième tournée, c'est la seconde. Parce que, évidemment, quand Léopold est rentré, les poches pleines, devenu une célébrité à l'échelle de toute l'Europe centrale, peut-être même, disons-le, de toute l'Europe, parce que ça a commencé à faire du bruit, l'histoire de ces deux petits prodiges qui se produisent comme ça, qui sont extraordinaires, et notamment le petit garçon qui présente des qualités tout à fait unique, eh bien Léopold s'est dit, et si on allait plus loin? Il n'a pas oublié ce que lui avait dit le comte de Châtelet-Laumont, l'ambassadeur de France, qui lui a dit, mais vous devriez venir à Versailles, le roi Louis XV vous accueillerait à bras ouverts. Il se dit, et pourquoi pas? Alors évidemment, là, il ne s'agit plus de partir en coche de louage. Vous savez qu'à l'époque, les voyages se faisaient dans des conditions souvent extrêmement pénibles. Donc Léopold prépare son voyage, il va acheter sa propre voiture, figurez-vous, il va bien aménager, bien préparer tout ça, et on repart, et alors là, pour une tournée qui va être très importante. Il ne s'agit plus seulement de rester dans la région. Mannheim, Francfort, Bruxelles, Paris et donc Versailles, Londres, La Haye, Amsterdam, Lyon, Genève. Vous voyez un peu le tour d'Europe auquel vont s'astreindre Léopold et ses enfants. Voilà la publicité que Léopold a fait imprimer et qu'il distribue partout. Il parle de l'enfant. Il a compris que c'est le petit garçon qui fait venir le public. Il dit, il jouera un concerto pour violon et accompagnera des symphonies au clavecin dont le clavier sera recouvert d'un drap. Il identifiera instantanément toutes les notes jouées à distance. Il terminera en improvisant aussi longtemps que désiré, et ce, dans n'importe quelle clé. Évidemment, quand on lit ça, nous, ça crée un petit malaise. On a l'impression qu'il utilise son fils comme comme un singe savant, hein, ça c'est certain. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque et surtout dans la psychologie de ce Léopold qui trouve enfin un exutoire à toutes les frustrations d'une vie tellement difficile, faut pas l'oublier. Alors, on part. Le petit cirque ambulant des Mozart, si je puis dire, parce que cette fois ils sont bien équipés, tout est prêt, ils ont les moyens, tout simplement. Donc, ils partent le 9 juin 1763. À Francfort, Wolfgang rencontre Goethe, du reste, ça c'est quand même extraordinaire. On sait que Goethe, plus tard, dans des circonstances bien plus célèbres, rencontrera Beethoven, mais là, c'est très précoce, cette entrevue. Voici ce que Goethe dira beaucoup plus tard, hein, en 1830, de cette unique rencontre. « Je l'ai vu enfant de 7 ans quand il donna un concert au cours d'un voyage. Moi-même, j'avais alors 14 ans et je me souviens très bien de ce petit bonhomme avec sa perruque et son épée. » Vous voyez ce côté marionnette un peu, évidemment, qui a frappé les gens. Et puis, à l'automne 1763, il y a donc exactement 250 ans, les Mozart font leur arrivée à Paris. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de leur arrivée. Tout le monde veut les voir. C'est à qui, évidemment, va leur ouvrir les portes de son salon. Léopold organise des rencontre avec un certain nombre de musiciens et de compositeurs. Et puis la famille, à Paris, va rencontrer un personnage très important qui est le baron Grimm. Rien à voir avec les frères Grimm, hein, des contes. Le baron Grimm est une sorte de grand diplomate de l'époque. Il admire beaucoup Wolfgang et il va aider la famille à faire ses débuts dans la haute noblesse parisienne. Il présente Wolfgang comme, je cite, « un phénomène si extraordinaire qu'on a de la peine à croire ce qu'on voit de ses yeux » et ce qu'on entend de ses oreilles. Et voilà le moment de consécration quasiment suprême. Les enfants vont jouer devant Louis XV et Madame de Pompadour. Alors c'est tout à fait extraordinaire. C'est le plus grand souverain d'Europe à l'époque. Jouer devant Louis XV, c'est une chose très importante. Et le petit est tellement habitué, je vous ai dit qu'il avait sauté sur les genoux de l'impératrice d'Autriche, de l'impératrice Marie-Thérèse. Il est prêt, évidemment, à faire la même chose avec Madame de Pompadour. Et Madame de Pompadour le repousse, elle se détourne. Ce qui choque beaucoup le père qui dit « Mais enfin, pour qui se prend-elle ? Qui êtes-vous pour refuser de m'embrasser ?» aurait dit le petit garçon. Bon, je ne sais pas s'il est allé jusque-là. La vérité, c'est que Madame de Pompadour, à l'époque, était au dernier stade de la tuberculose et qu'évidemment, si elle a repoussé l'enfant, c'était pour ne pas le contaminer. Mais ça, les Mozart ne l'ont pas compris. Ils ont cru que c'était un geste de hauteur de sa part. Ils vont être récompensés néanmoins car très très vite, ils sont invités à déjeuner. Enfin, on disait à dîner à l'époque. Et alors, c'est pas n'importe quelle invitation, c'est pour le grand couvert, c'est-à-dire c'est en public devant la cour, à la table du roi et de la reine. Et on voit ce petit enfant de 8 ans installé entre le roi et la reine de France. Vous imaginez, c'est tout à fait incroyable ce qui se passe pour eux, bien entendu. Et à la fin du repas, Louis XV demande à entendre Mozart jouer de l'orgue. Alors on prend rendez-vous pour le lendemain et finalement c'est le jour même que le petit Wolfgang va s'installer au buffet d'orgue des Cliquot dans la chapelle royale de Versailles et y aller d'une de ses improvisations qui bientôt feront non seulement sa célébrité comme prodige, mais sa célébrité comme virtuose et bientôt comme compositeur. Ne l'oublions pas, ce n'est pas seulement un petit singe savant qu'on a sous les yeux, c'est évidemment l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, qui est en train, 8, 9, 10 ans, en train de s'épanouir aux yeux de l'Europe ébahie. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Franck Ferrand. Je n'ai pas été au bout de ce voyage, ce qu'il faut dire c'est qu'ensuite ils sont allés à Londres encore. Hein. Très beau voyage, le voyage à Londres, parce que le Wolfgang va faire la connaissance, il aimait beaucoup les écarts d'âge, hein. Ses amis étaient souvent beaucoup plus âgés que lui, il va faire la connaissance de Jean-Chrétien Bach, le dernier fils de Jean-Sébastien Bach, né en 1735, c'est-à-dire 21 ans d'écart, il est 21 ans plus vieux que le petit Wolfgang qui a 8 ans, ne l'oublions pas, et cet Allemand qui s'est converti au catholicisme, hein, le luthérien est passé au catholicisme, va lui faire découvrir à Londres l'opéra italien, la symphonie, enfin c'est un autre univers qui s'ouvre à lui. Et puis c'est à Londres qu'il va répondre au défi de Dales Barrington, hein, le naturaliste, qui se dit « Oh mais ça c'est un petit singe savant, il a tout appris par cœur, ce n'est pas un vrai musicien », eh bien Mozart va lui administrer la leçon magistrale de sa capacité en tant que musicien à part entière. Au cœur de l'histoire avec Mozart à l'honneur cet après-midi, avec vous Franck Ferrand et votre invité Thierry Geffrotin, journaliste et musicien, auteur de Mozart pour les nuls aux éditions First. Et oui, alors Thierry, je parlais de ce voyage. Il faut dire que lorsque Léopold et ses enfants étaient rentrés du premier voyage, déjà en 63, il était euphorique. Mais en 64, il a l'impression d'être devenu un personnage important. Ce n'est pas comme ça qu'on le regarde à Salzbourg, hein, ça c'est le paradoxe. Non, parce que le voyage voyage de 63, c'est un saut de puce. Hein. Oui, c'est vraiment, un voyage, c'est oui. une tentative. Voilà. On fait un test. Le voyage qui suit, c'est-à-dire, vous l'avez dit, Franck, la France, l'Angleterre, et des endroits importants musicalement, parce qu'à l'époque, les grandes capitales musicales européennes, ce sont Vienne, Paris et Londres. Quand on dit Paris, c'est Versailles d'ailleurs. Hein, oui, c'est Versailles. Tout le monde est à Versailles et il y a cette chapelle royale impressionnante qui n'impressionne pas du tout Léopold. C'est-à-dire qu'il dit il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de musiciens là-dedans. C'est une énorme organisation, mais ça ne fait pas de musique, dit-il. Léopold a un goût très sûr. Alors moi, je suis pour la réhabilitation de Léopold. Enfin, il n'a pas besoin de moi parce qu'on voit bien le prodige Wolfgang, ce qu'il est devenu. C'est notamment grâce à son père, aussi un peu grâce à sa sœur. Vous l'avez dit, elle a 5 ans de plus que lui et le petit garçon, il veut absolument imiter sa grande sœur. Léopold est très important parce que c'est un honnête homme, comme l'on disait au XVIIIe siècle. Il est musicien, compositeur. Il aurait dû être prêtre. En fait, il a échappé à la prêtrise. Il s'est échappé de la prêtrise et il est donc devenu violoniste professionnel. Il a écrit une méthode que l'on utilisait encore couramment au XIXe siècle, c'est-à-dire une méthode qui était une très bonne méthode d'enseignement du violon et qui est utilisée aujourd'hui par les violonistes qui font le répertoire baroque. Oui, c'est ça. C'est pas démodé, le Léopold Mozart. Pas du tout. Léopold est né en 1719. Il meurt en 1786 ou 7 de tête. Il meurt à 68 ans. Et voilà, c'est un homme qui est de l'univers baroque. Il est là pour servir. Alors qu'on le verra, Mozart, lui, il a une autre idée de son art, de sa fonction. Lui, il veut vivre à travers son art, mais il ne veut pas être au service de quelqu'un. Je pense que, pour la petite histoire, Mozart devait être un peu difficile à gérer. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, mais on va y venir, hein, d'ailleurs, oui. Parce que le caractère du bonhomme est très spécial. Facile. D'ailleurs, c'est une de nos auditrices qui demande Michael, qui nous demande si le film Amadeus de Miloš Forman est assez fidèle à la personnalité de Mozart. Le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que dans ce film, on présente Mozart comme quelqu'un de très bizarre. Immature. Oui, voilà, au moins immature. Même, on peut dire, un peu déséquilibré. Oui, alors je pense que Miloš Forman est un très grand réalisateur. C'est un très beau film. Il y a des vues de Prague. On est supposé être à Vienne, mais en fait, ce sont des vues de Prague. Mais ce n'est pas un historien, Miloš Forman. Hein. Il a fait une œuvre de fiction. Pour revenir à Léopold, non seulement il est musicien, il est compositeur, mais il est pédagogue aussi. C'est-à-dire que quand il commence à donner des leçons de composition qui vont de pair avec l'apprentissage du clavecin et du violon pour Wolfgang, il sait comment faire. C'est-à-dire que les premières compositions de Wolfgang sont des compositions pour clavier, ce sont des menuets, parce que c'est une structure très simple. Léopold écrit la main gauche à Mozart de trouver la main droite. En plus, c'est ludique. Hein. D'ailleurs, des musiciens... Il devait, sous un fond, évidemment, de sérieux, mais il devait bien s'amuser tous les deux. Il s'amusait beaucoup. Et je pense que le petit garçon est en admiration devant son papa, et c'est normal. Mais je pense que le papa aussi est déjà dans une grande admiration. C'est lui qui, évidemment, note... parce qu'on se dit mais comment faisait-il? Par exemple la première symphonie que nous avons écoutée, là, le premier et le troisième mouvement, symphonie en mi bémol, pour deux violons alto, violoncelle, deux hautbois, deux cors. Vous imaginez, c'est quand à 8 ans il a ça dans la tête et c'est Léopold qui note par souci d'économie, parce que Léopold s'il fallait... Petite formation. Voilà, et une petite formation, puis surtout les parties sont recopiées par lui-même parce que ça évite des copistes et ça coûte de l'argent. C'est un homme, il a les pieds dans la terre, hein, il sait comment compter, il se plaint toujours d'abord que ça lui coûte trop cher. Sa correspondance, il parle que de ça. Et des maladies. Alors ça, pour ça, la correspondance qui est formidable, il faut la lire, cette correspondance. On sait tout, évidemment, de Wolfgang au fil des voyages, notamment, puisque Léopold écrit à Salzbourg pour donner parler des nouvelles. De ce qui se passe. Donner des nouvelles. Alors, ce qu'il faut, vous nous avez dit qu'à Londres, le petit Wolfgang, pour la première fois, avait entendu des castrats, avait découvert les grands airs italiens, mais son père, en 70, va l'emmener carrément en Italie. Ah, les voyages d'Italie, alors ça c'est le rêve. Alors, le grand tour italien, Mendelssohn le fera aussi. C'était un impératif quand on est un artiste, pas seulement musicien, que d'aller en Italie, parce que pour la musique, c'est le berceau. Hein. La langue italienne est déjà presque de la musique. Et Mozart va faire 3 voyages en Italie. Alors, à la fois, c'est encore le père qui décide d'emmener le fils pour le montrer au monde, pour montrer ce miracle au monde, mais aussi parce que Léopold sait que là-bas, il y a beaucoup de choses à apprendre et à prendre. avant même, parce que ça c'est un deuxième temps, de dire faut que mon fils trouve un emploi stable et rémunéré. Ça sera la grande obsession de Léopold pour son fils. Voilà, on part en Italie, on fait du tourisme aussi, c'est extraordinaire, faut lire les lettres, ils descendent jusqu'à Naples, voilà, ils visitent Rome, ils écoutent la chapelle Sixtine, il y a cette fameuse histoire, je sais pas trop si c'est une légende ou pas, est-ce qu'il a entendu une fois ou deux fois le Miserere d'Allegri. Je m'en suis ouvert à un ami compositeur. Il faut la raconter peut-être, oui. L'anecdote d'un mot. Alors l'anecdote, c'est que le pape a considéré une composition de Gregorio Allegri, un magnifique Miserere, comme un trésor. Et à ce titre, on ne pouvait pas copier l'œuvre. Et qu'a fait Mozart, selon la légende, il l'aurait entendu une seule fois, il a 14 ans, hein. Il l'entend une seule fois et il la recopie de tête. Alors peut-être l'a-t-il entendu deux fois. Cela dit, pour un Mozart... Deux fois, c'est nettement moins éblouissant. Oui, mais pour un Mozart, même une seule fois, je dirais, c'est assez complexe, puisque c'est une œuvre à double cœur, à huit voix. Mais vous savez, pour Mozart, c'est pas très compliqué. Il y a quelques dissonances, il y a beaucoup de passages qui sont chantés en grégorien. Je dirais pas que c'est l'enfance de l'art pour lui. Pour nous, c'est très compliqué. Je pense que pour lui, c'était presque un jeu d'enfant que de copier de tête. Et d'ailleurs, Léopold s'en ouvre à son épouse, il dit nous l'avons, ils ont copié, voilà, le Miserere d'Allegri. Ils avaient le Miserere d'Allegri. Le pape l'a su et il n'y a pas eu d'excommunication. finalement. Le pape a dû considérer que c'était aussi un don de Dieu. Un exploit, mais oui, quelle prouesse divine. On parle beaucoup du papa, on parle très peu de la maman dans cette histoire. Oui, la maman est assez discrète. Alors, quand on en parle, c'est pour évoquer le deuxième voyage à Paris en 1778, c'est-à-dire pour évoquer sa mort. C'est un moment très très douloureux pour Mozart. Et d'ailleurs, quand on pense au film de Forman où on voit cette espèce de zébulon, d'être immature, et que l'on lit et que l'on voit comment Mozart annonce la nouvelle de la mort de sa maman à Paris, alors que le père est resté à Salzbourg, on voit bien qu'il n'est pas immature du tout. Il écrit une première lettre à son père dans la nuit qui suit la mort pour dire « voilà, maman est très malade ». Donc il prépare son père. Alors qu'elle est déjà morte. Ensuite, il écrit une deuxième lettre à un prêtre de Salzbourg à qui il dit la vérité. Et il dit, je vous demande de vous rapprocher de papa pour qu'il apprenne la nouvelle. Et finalement, il écrit une troisième lettre qui partira un peu plus tard, où il dit, voilà, elle est décédée. Et au moment où je l'ai fait, où j'écris la première lettre, elle était déjà morte, mais je ne voulais pas vous plonger dans une si grande tristesse qui fut la mienne. Mais ce qui est tout à fait remarquable, et ça c'est tout l'apport de votre ouvrage, Thierry Geffrotin, c'est que vous décrivez justement une anecdote qui souvent est imputée à tort à Mozart. On dit il n'a même pas eu le courage d'annoncer à son père la mort de sa mère. C'est pas qu'il n'a pas eu le courage, c'est qu'il l'a ménagé et qu'il a à distance préparé son père pour lui éviter un choc trop brutal. Moi je trouve ça relativement admirable et c'est ce que vous nous faites comprendre dans cet ouvrage Mozart pour les nuls aux éditions First évidemment. C'est Mozart sur Europe 1, un extrait de L'Enlèvement au Sérail, une œuvre que votre invité Thierry Geffrotin aime particulièrement. Ah oui, et qu'il chante d'ailleurs. Il faut raconter un peu les circonstances. D'ailleurs, c'est une œuvre pas banale dans la vie de Mozart. Non, alors l'œuvre n'est pas banale parce que la Turquerie, parce que là il y a des sonorités ottomanes oui, avec l'orchestre des janissaires, c'est une espèce de fascination pour les Viennois, puisqu'au moment où Mozart écrit L'Enlèvement au Sérail, il est à Vienne. Le dernier siège de Vienne par les Ottomans, c'est 1680. 1785, donc c'est pas si vieux, c'est un siècle. Et donc voilà, on voyage, on se fait peur en même temps, et voilà ce que donne Mozart. Et avec une légèreté, une pulsation en quelque sorte, tout à fait extraordinaire. Vous montrez très bien Thierry Geffrotin, parce que d'un côté il y a toutes les petites anecdotes, le quotidien, etc. Mais d'un autre côté, vous tirez au général et vous expliquez que avec Mozart, on assiste à l'éclosion d'un nouveau type d'artiste, c'est-à-dire un artiste. Je disais tout à l'heure que c'était des serviteurs en livrée, et là d'un seul coup, ça devient des artistes qui sont reconnus individuellement et comme des personnages à part entière, en fait. Oui, moi je pense souvent à Joseph Haydn, très grand compositeur, sous-estimé, parce que Mozart, voilà, est là, c'est le soleil, grand ami, Mozart et Haydn. Haydn, qui était apprécié par son employeur, par la famille Esterhazy, il était au même rang, en effet, que les cuisiniers, et tous les matins, il allait dans l'antichambre voir si le prince souhaitait ou non de la musique. C'est vraiment la domesticité. Et Mozart, ça, il le refuse absolument. Il devient une sorte de musicien indépendant. Indépendant, freelance, comme disent les Français aujourd'hui. Et la liberté a un prix, la liberté à un coup, parce que lorsqu'il s'installe à Vienne, ayant rompu avec Colloredo, avec l'archevêque de Salzbourg, alors là, je dis une contre-vérité, il n'a pas rompu parce qu'on ne pouvait pas rompre. Colloredo a accepté qu'il s'en aille. C'est différent, mais en attendant, voilà, il est devenu un musicien indépendant. Il annonce le romantisme, c'est-à-dire des musiciens qui ont un destin, qui le prennent en main, et parfois, c'est pas facile. Mais alors, il arrive à s'affranchir assez bien de la tutelle des grands aristocrates, et notamment du prince archevêque de Salzbourg, mais en revanche, il a beaucoup de mal avec une autre tutelle, c'est celle des femmes. Il est un peu l'esclave de ses sens et de ses amours. On pourrait faire une émission, au moins une émission, peut-être plusieurs émissions sur Mozart. Pour tout vous Mozart. Dire, j'ai dû le faire dans oui, le passé sur déjà. Sur Mozart et les femmes. Et alors vous voyez, j'ouvre à la page 155 par hasard. Oui, mais vraiment, nous y sommes, les conseils de Léopold à son fils. Et c'est des conseils à propos des femmes. Pas seulement, c'est lorsqu'il part à Paris, Léopold dit à son fils, surtout quand tu dois rencontrer quelqu'un, tu vas voir la personne chez elle, parce que si tu veux t'en aller, c'est plus facile que si elle est chez toi, tu ne peux pas la mettre dehors. Et à propos des femmes, Léopold dit ceci, il l'encourage à se méfier de toutes les personnes qu'il va côtoyer, même des femmes, car c'est là qu'on a besoin de la plus grande prudence et de sagesse, car la nature elle-même est notre ennemie. Et en effet, Mozart a eu beaucoup de femmes autour de lui, alors je ne parle pas de sa sœur, je ne parle pas de sa cousine, une petite cousine avec laquelle on se demande ce qu'ils ont pu faire ensemble, pas grand-chose je crois, ils écrivent des choses un peu vertes, monsieur, oui. L'époque est ainsi. Il y a eu surtout la famille Weber, très importante, Constance, qui va devenir son épouse, et avant Constance, une chanteuse, Aloysia. Grande chanteuse qui, elle, je pense, a un peu manipulé Wolfgang. Elle a senti que ce compositeur hors pair, ce prodige, j'aime beaucoup le mot de prodige qui est quand même plus fort que divin ou génie, ce prodige pouvait servir sa carrière, et après, elle l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Il faut la citer, Nancy Storace, grande chanteuse, grande cantatrice. Finalement, la voix occupe une place essentielle dans la vie, et non seulement dans l'œuvre, mais dans la vie de Mozart. Mozart est un auteur, certes, alors il y a toutes les symphonies, toute cette musique concertante à l'infini, il y a un peu de musique religieuse, pas trop, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme œuvre lyrique, bien entendu, avec notamment d'abord les grands opéras italiens, hein, bien entendu. Da Ponte, les trois grands opéras, vous rendez compte, quelle rencontre hein. Lorenzo Da Ponte, qui est le librettiste, celui qui écrit le texte, en quelque sorte. Qui a écrit le texte, donc, des Noces de Figaro, de Don Giovanni et de Così fan tutte. Prodigieux, nous avons trois opéras italiens au moment où Mozart commence déjà à se dire « Mais moi, je ne veux plus écrire d'opéra italien, je veux écrire un opéra à l'allemande. » L'enlèvement au sérail nous donne déjà une petite idée, ce qu'aimait Mozart. Une langue allemande, pour être comprise du plus grand nombre des Allemands, et puis sortir un peu de ce carcan de l'opéra seria, de l'opéra sérieux. Mais en attendant, il fait trois opéras prodigieux avec Lorenzo da Ponte, vraiment. Alors, ce que je vous propose, parce que j'aurais beaucoup aimé qu'on raconte un peu l'histoire de la flûte enchantée, qui est une merveille, une espèce d'accomplissement total, et scénique et musical. Si vous êtes d'accord, Thierry, il faudra qu'on prenne rendez-vous et que dans quelques temps, vous veniez nous raconter l'histoire de cet opéra. Puis, on passera comme ça un certain nombre d'extraits de la flûte enchantée. Et puis, on parlera de Salieri à cette occasion, parce que Salieri assiste à l'une des représentations de la flûte enchantée. Comme ça, je vais tordre le cou à tout ce que l'on peut dire sur Salieri. Oui, c'est Josiane, notamment, qui nous demande par Twitter ce qu'il en est de la rivalité. Oui, c'est une rivalité, en effet. Mais Salieri vient assister à la flûte enchantée et il dit c'est magnifique. Et Mozart est tellement heureux. Parce qu'en effet, ils sont en concurrence. Ils ne sont pas ennemis du tout. D'ailleurs, à Vienne, Mozart est avant tout considéré comme un grand pianiste. Il organise des concerts, il improvise, au piano, inégalable. Alors que Salieri, c'est l'homme des opéras. Bien sûr, Mozart est connu pour ses opéras, mais il ne joue pas exactement, il ne travaille pas sur les mêmes terrains. Mozart, il veut écrire des opéras. Ça, c'est sa grande obsession. Mais en attendant, Salieri, et pas seulement Salieri, il y a d'autres compositeurs à Vienne qui sont là et qui prennent de la place. Je ne vous parle même pas des cabales, parce que ça fait partie du jeu. Mozart a eu à souffrir d'une cabale dès l'âge de 12 ans. Toute sa vie, il s'est battu. Et en effet, la voix, pour revenir à votre question, mais la voix, c'est à la fois quand on parle, on émet des émotions, et quand on chante, vous imaginez, tous les instruments essaient d'imiter la voix. Le violoncelle, je pense, il parvient presque. Dans certaines inflexions. Catherine nous demande via Internet comment, et c'est intéressant parce que Catherine met l'accent sur une chose qu'on a longtemps oubliée, c'est que Mozart est une redécouverte relativement récente et que au 19e siècle notamment, il était presque sorti des grands compositeurs de la musique classique. Et elle dit comment un génie comme Mozart, dont la notoriété a traversé d'autant d'époques, etc., n'a-t-il pas réussi à galvaniser ses contemporains ? J'ai envie de dire, moi, à galvaniser tous ses contemporains, parce que certains, quand même, ne sont pas passés à côté de son génie. Non, commencer par Chopin, qui, à l'âge de 17 ans, a écrit des variations sur un thème de Don Giovanni, donc c'est un hommage rendu à Mozart. Alors, il en va de Mozart comme de Bach, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça participe de leur génie que de dire ils ont eu une traversée du désert. C'est un peu plus subtil que ça. Tous ces compositeurs, on n'a pas oublié du jour au lendemain ni Bach ni Mozart. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel d'écouter de la musique du 18e. D'ailleurs, on écoute plutôt de la musique du 18e que de la musique du 21e siècle. Je parle de la musique dite savante. Alors qu'au 18e et au 19e, on écoute de la musique du jour. C'est-à-dire que quand Johannes Brahms compose, on va écouter du Brahms et on va pas écouter du Bach, même si Brahms avait une vénération pour Bach et dans sa musique, ça s'entend. Mais puisque vous parlez de Bach, c'est Cédric qui nous demande quel est le rapport entre Bach et Mozart. Est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'on peut dire que Mozart s'est quand même pas mal inspiré de Bach? Ça n'est pas diminué son génie. C'est un choc musical émotionnel lorsque Mozart découvre de la musique de Bach. Je vous dis qu'à l'époque, on ne joue pas de Bach. C'est de la vieille musique, ça n'a aucun intérêt. Sauf que Mozart, il va être mis en présence d'œuvres de Bach et de Handel d'ailleurs. Et quand il voit notamment un motet qui est Singet dem Herrn de Bach, il dit « Apportez-moi toute la musique que vous avez ». Il est à Leipzig à ce moment-là, là où Bach a travaillé pendant 27 ans. Il dit « Apportez-moi de la musique, je veux voir la musique de ce compositeur. » Parce que là, il y a encore quelque chose à apprendre. Je vous propose d'entendre quelques accents du Requiem de Mozart, c'est le Dies Irae, et puis ensuite nous parlerons de sa mort et des questions qu'elle soulève. On se laisse emporter par cette musique qui vient directement des cieux, sans intermédiaire. Alors, la mort de Mozart soulève là encore un certain nombre de questions. Vous l'évoquez, bien sûr. C'est une mort d'abord précoce, il faut le dire. Oui, il n'a pas 36 ans. puisqu'il est né le 27 janvier 1756 et il meurt le 5 décembre 1791. Très très jeune, très affaibli. Alors, j'ai trouvé un article récemment où on trouve 140 causes décrites pour expliquer la mort de Mozart et 27 troubles mentaux. Vous imaginez bien que, voilà, on est peut-être un peu dans la surabondance. J'en ai un de ces articles à vous proposer, d'ailleurs, qu'on m'a remis récemment, qui est passionnant, qui donnerait à cette mort de Mozart une explication assez nouvelle. On aura peut-être là aussi l'occasion d'en reparler, ça fait beaucoup de projets, tout ça. Il est évident que dès qu'on aborde un personnage aussi singulier que Mozart, se posent tout de suite des questions. Je me rappelle une émission que nous avions faite sur le seul portrait authentifié de Mozart enfant par Greuze, hein, qu'avait redécouvert Carlos Lerech. C'est tout à fait... Ça fait partie en quelque sorte des miracles mozartiens. Vous en avez littéralement constellé votre livre, Thierry Geffrotin. Vous nous régalez de tout ce qu'on peut dire ou savoir sur le personnage, y compris de sa légende, je le dis. Moi, je dis toujours, si on fait un scénario et qu'on le propose à un réalisateur, il va vous dire il y a beaucoup trop d'histoires pour un homme qui meurt si jeune. Et pourtant, il a vécu une vie romanesque incroyable. Les voyages, évidemment, les 626 œuvres. Hein, le catalogue Köchel comporte 626 œuvres. Une œuvre, c'est à la fois un menuet d'une minute trente et la flûte enchantée. Je vais parler de Köchel tout à l'heure. Un mot, puisqu'il nous reste 15 secondes, mais je disais tout à l'heure la symphonie K1. Pourquoi K? Ce Köchel, ça voilà, veut dire quoi? K, c'est... Alors, tous les compositeurs comme ça ont des catalogues. Chez Bach, c'est BWV. Chez Mozart, c'est Köchel. Köchel est donc... Alors, c'est un homme incroyable. Il est à la fois botaniste, écrivain, compositeur et passionné de Bach. Il va travailler 10 ans de c'est sa l'homme vie. Qui a fait le catalogue voilà, de toutes il les a fait œuvres, le catalogue. En fait. Il les a numérotés. En 1862, il a passé 10 ans de sa vie paraît le premier catalogue qui comporte pratiquement toutes les œuvres que l'on connaît aujourd'hui. Mozart pour les nuls de Thierry Geffrotin, c'est aux éditions First. Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand répond à la question d'Igor, quelle est l'origine de l'expression « dont acte ». Retour aux origines. Avec cette question pour vous, Franck Ferrand, d'Igor via Facebook, qui nous demande d'où vient l'expression « dont acte ». Et d'ailleurs, Igor ajoute « et pourquoi pas donc, comme donc acte ». Eh bien, en fait, c'est une expression juridique. Vous savez, quand on a l'habitude de fouiller dans les liasses notariales, on voit ça constamment, ce « dont acte », c'est un terme de droit, tout simplement. On utilise, vous savez, aujourd'hui, cette expression pour, en quelque sorte, pour terminer une discussion, hein, pour dire « bon, ben, les choses sont claires, on a pris bonne note, ça va, on n'y reviendra pas, dont acte, dit-on. Les hommes politiques, notamment, font un véritable abus. Hein. On entend ça à la fin de presque chaque intervention. Ils disent « dont acte ». Bon, sous-entendu, vous l'avez dit, j'admets que les choses sont dites. Bon. Eh bien, ça vient donc de ces actes juridiques. C'est-à-dire qu'on dresse un contrat, par exemple, on dresse un acte, que ce soit un acte privé ou un acte, d'ailleurs, qui peut être un acte public. Mais cet écrit, en quelque sorte, doit être validé à la fin par l'officier ministériel qui dresse l'acte en question. Donc, il dit, il a été décidé de ceci, les accords, les parties ont décidé que, etc. Et à la fin, écrit « dont acte », c'est-à-dire « dont il a été donné acte »,« dont il a été pris acte ». Mais au lieu d'écrire « dont il a été pris acte », on écrit simplement « dont acte ». Voilà l'origine de l'expression. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec « donc », que ça n'a rien à voir avec le latin et avec tout ça. Il y a tout simplement, on va dire, la traduction dans le langage courant d'un terme d'origine juridique. Pérez. Et bonjour Franck. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les experts européens se penchent sur un sujet délicat et ô combien important. Sommes-nous prêts à pardonner? On le sait, le passé ne s'efface pas, mais pour autant, doit-on continuer à vivre avec la colère, la rancœur, le désir de se venger quand on a été offensé, humilié, bafoué, meurtri? Le pardon, pourquoi et comment? C'est à partir de 15h avec les experts européens. On attend vos appels au 39 21. Et je rappelle ce que disait Nelson Mandela, des gens courageux ne craignent pas le pardon au nom de la paix. Merci beaucoup Roland, joyeux Noël à vous et à tous et à tous nos auditeurs bien sûr. Et nous nous retrouvons demain, Céline. Oui Franck, à demain.